Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 11. Explication des trois autres vers de cette strophe, embrasée d'un amour plein d'anxiété. Au début, l'âme ne sent pas d'ordinaire l'embrasement d'amour, soit que les impuretés de sa nature aient empêché ce feu de s'allumer, soit que, se méprenant sur son action, elle lui ait refusé un libre accès, quoi qu'il en soit. L'âme est parfois brûlée d'un désir véhément de Dieu, et plus ce désir croît, plus la passion d'amour augmente dans son cœur, sans qu'elle puisse savoir ni comprendre d'où et comment lui viennent ses ardeurs. Ces flammes l'embrassent souvent à tel point qu'elle désire Dieu avec un amour plein d'anxiété, aussi peut-elle emprunter les sentiments du prophète royal. Parce que mon cœur a été tout enflammé d'amour dans la contemplation, mes affections et mes goûts ont été transformés, en d'autres termes, ont passé de la vie sensitive à la vie spirituelle. Par la sécheresse et le renoncement à toute satisfaction, David ajoute, « Et moi j'ai été réduit à néant, et je n'ai pas su comment cela s'était fait. » Psaume 72, 21, 22. L'âme ignore aussi le chemin où elle se trouve, privée de toutes les consolations naturelles et surnaturelles dont elle avait coutume de jouir, elle est éprise d'amour. Sans savoir comment, cette âme éprouve de si pressants désirs de son Dieu, que ses os semblent desséchés par cette soif ardente, sa nature tombe en défaillance et elle sent ses forces et sa chaleur disparaître, à ses différents symptômes de mort. L'âme reconnaît que cette soif d'amour est pleine de vie. David en était altéré quand il s'écriait « Mon âme a eu soif du Dieu fort et vivant » Psaume 41, 2. C'est comme s'il eût dit « La soif qui dévore mon âme est toute vive, et elle est vraiment si vive qu'elle fait mourir. À la vérité, ses intensités ne sont pas continuelles, elles ne se produisent que par intervalles. » Néanmoins, l'âme est toujours pressée de quelques-unes de ses ardeurs. Je le répète, l'âme ne découvre pas tout d'abord cet amour secret, dont elle n'est touchée que presque imperceptiblement dans le principe, et qui grandit peu à peu. Cependant, au milieu de ses sécheresses et du vide de ses puissances, elle conserve une attention vigilante et un soin habituel de plaire au Seigneur, accompagné de crainte et de regret de ne pas encore le servir assez bien. Or, ce n'est pas un sacrifice peu agréable à Dieu que celui d'un cœur anxieux à la recherche de son amour, et c'est la contemplation secrète qui opère cette sollicitude. Ensuite, après le temps laborieux de la purification, où les forces et les affections naturelles de la partie sensitive ont été réglées au moyen des aridités, la même contemplation embrase l'esprit du divin amour. Il faut se comporter alors comme un malade qui désire sa guérison. Tout consiste à souffrir les sécheresses et la rude purification des passions. On se délivre ainsi d'une foule d'imperfections, et on s'adonne à l'exercice de toutes les vertus, afin de se rendre capable de recevoir les impressions de cet amour, comme l'exprime le vers suivant. Oh, l'heureuse fortune! De même que Dieu plonge les sens dans l'obscurité, et fait cesser leurs propres opérations pour purifier et assujettir la partie inférieure et la disposer à l'union de l'esprit. Ainsi il fait entrer plus tard l'esprit dans la nuit spirituelle pour le purifier et se l'unir. C'est pour l'âme un tel profit que, sans se rendre compte du mobile qui l'a fait agir, elle estime alors comme un grand bonheur d'être sortie des liens étroits de la captivité des sens. Aussi s'écrit-elle, ô heureuse fortune, C'est ici le moment de signaler les avantages recueillis par l'âme, qui lui arrache cette exclamation de joie. Ils sont tout renfermés dans le vers suivant, « Je sortis sans être aperçu ». Cette sortie symbolise celle de l'âme délivrée de la tyrannie des sens, qui ne lui permettait de chercher Dieu que par des opérations faibles, limitées et dangereuses, comme le sont celles qui appartiennent à la partie inférieure. En effet, elle tombait à chaque pas en mille imperfections, en mille ignorances, comme nous l'avons fait remarquer lorsque nous parlions des sept péchés capitaux, cette nuit, en éteignant les satisfactions naturelles et surnaturelles, et en mettant fin à tous les raisonnements, délivre par la même l'âme de toutes les imperfections, et la prépare à des biens innombrables par l'acquisition des vertus. C'est une profonde consolation et une grande joie pour celui qui marche dans cette voie, que de voir combien un état si rude et si odieux à l'âme, si contraire aux satisfactions spirituelles, opère tant de merveilles. L'âme, disons-nous, acquiert ses avantages en passant à travers tout le créé, pour se diriger, au milieu de cette nuit, vers les joies éternelles. Or, cela n'est, il pas la plus grande et la plus heureuse des fortunes. N'est-ce pas un rare bonheur que d'avoir éteint le feu des passions, réprimé toutes les affections déréglées, et d'être du petit nombre de ceux qui entrent par cette porte étroite et persévèrent dans le sentier difficile qui conduit à la vie, comme le dit notre Sauveur, que la porte de la vie est étroite, et que la voie qui y mène est resserrée, combien peu la trouvent, Matthieu 7, 14. La porte étroite, c'est la nuit des sens. Il faut que l'âme se dégage et se dépouille d'elle-même pour y passer, puis, prenant pour guide la foi, qui n'a rien de commun avec les sens, elle marche par la voie resserrée de la seconde nuit, à savoir celle de l'esprit, où elle s'enfonce toujours plus avant dans la pureté de la foi, qui est l'unique moyen de consommer son union avec Dieu. Sans doute, les travaux et les ténèbres de la nuit des sens ne sont pas comparables à ceux de la nuit de l'esprit, et le nombre de ceux qui traversent ce dernier chemin est beaucoup plus restreint, mais aussi les avantages que l'on y trouve sont beaucoup plus considérables. Nous allons maintenant énumérer, le plus brièvement possible, les heureux effets de la nuit des sens, afin de parler ensuite de l'autre nuit, qui fera le sujet du second livre. Chapitre 12. Des avantages que l'âme retire de la nuit des sens. Dans cette nuit ou purification des sens, il semble à l'âme que tout lui soit enlevé, et cependant elle y est comblée de bienfaits considérables, de même qu'Abraham célébra de joyeuses fêtes, le jour où son fils Isaac fut sevré. Genèse 21, 8. Ainsi les saints se réjouissent dans les demeures éternelles. Lorsque Dieu sort une âme des langes de l'enfance, et cesse de la porter dans ses bras pour la faire marcher seule, il lui retire le sein et la douce nourriture du lait ou des viandes délicates, pour lui faire manger le morceau de pain sec, et lui donner l'aliment plus solide d'effort, ce pain qui se donne, au milieu des sécheresses et des ténèbres des sens, à l'âme vide et sevrée des consolations sensibles. Ce pain n'est autre que la contemplation infuse dont nous nous avons parlé, tel est le premier et le principal avantage, presque tous les autres en dérivent. Celui qui tient, sans contredit, le premier rang après celui-ci, c'est la connaissance de soi-même et de sa misère. À la vérité, toutes les grâces dont Dieu favorise l'âme, sont ordinairement accompagnées de cette connaissance, mais la sécheresse, le vide de toutes ses facultés, comparé à l'abondance au sein de laquelle se trouvait l'âme autrefois, et de plus la difficulté qu'elle éprouve à faire le bien, lui révèle mieux encore sa bassesse et sa misère, dont elle n'avait pas assez conscience au temps de sa prospérité. Nous en avons une excellente figure dans l'Exode. Dieu, voulant humilier les enfants d'Israël et leur apprendre à se connaître, leur commanda de se dépouiller des vêtements de fête dont ils se revêtaient ordinairement dans le désert. Quittez donc présentement tous vos ornements afin que je sache de quelle manière j'en userai avec vous. Exode 33:5. C'est comme s'il eût dit, le vêtement que vous portez est un habit de fête et d'allée et graisse, c'est pourquoi il vous empêche d'avoir de vous-même des sentiments conformes à votre bassesse. Quittez-le, et désormais, vous voyant revêtu d'un habit vil et méprisable, vous connaîtrez mieux qui vous êtes et ce que vous méritez. C'est ainsi que la réalité de sa misère, qu'elle ignorait autrefois, est manifestée à l'âme. Au début de la vie spirituelle, cette âme se voyait dans une fête continuelle, le Seigneur était sa consolation, son appui et la source de joies enivrantes. Sa vie s'écoulait dans la satisfaction et le contentement et il lui semblait faire quelque chose pour Dieu, du moins la complaisance qu'elle éprouvait dans cette douce communication, paraissait l'indiquer assez, mais une fois revêtue des vêtements du travail, de l'aridité et du délaissement, lorsque ses premières splendeurs sont éteintes, elle entre dans l'indispensable et vraie connaissance d'elle-même. À la vue de sa complète impuissance, elle apprend à se compter pour rien, et à ne se satisfaire en rien. Cependant Dieu estime sa défiance d'elle-même, et sa désolation, au-dessus de toutes ses joies antérieures et de toutes les œuvres qu'elle faisait, si sublimes fussent-elles, en effet, toutes ces opérations accompagnées de jouissances étaient l'occasion de beaucoup d'imperfections, tandis que le vêtement de la sécheresse lui procure non seulement les avantages déjà énoncés, mais encore un grand nombre d'autres, dont l'énumération que nous en allons faire peut à peine donner une idée, tout procède de la connaissance de soi, même comme de leur origine et de leur source. Le premier effet de cette sécheresse est d'apprendre à l'âme à garder, dans ses rapports avec Dieu, plus de respect et de retenue, sentiment que l'on doit toujours éprouver en approchant du Très-Haut. Au temps de l'abondance et des consolations, l'âme n'agissait pas de la sorte, les faveurs dont elle était alors comblée lui inspiraient plus d'audace, et diminuaient la crainte révérentielle du Haut-Tout-Puissant. Lorsque Moïse entendit la voix de Dieu dans le buisson ardent, il s'en serait approché dans le transport de sa joie, si Dieu ne lui eût commandé de s'arrêter et de quitter sa chaussure. Exode 3:6. Ce commandement nous démontre avec quel respect, quelle discrétion et quel dégagement il faut s'approcher de Dieu. Après cet acte d'obéissance, Moïse devint si réservé et circonspect, que non seulement, nous dit la Sainte Écriture, il n'eut plus la présomption d'avancer, mais encore qu'il n'osa pas même regarder Dieu. Exode 3:6. Ayant quitté sa chaussure, c'est-à-dire s'étant dépouillé de ses appétits et de ses inclinations, il confessa ouvertement sa profonde misère, ainsi qu'il convenait pour mieux écouter la parole divine. Ce ne fut pas non plus au milieu de la gloire et des richesses dont Job nous fait le tableau lui-même, Job 29:2, que Dieu voulut lui parler. Pour le disposer à cette faveur, il l'éprouva par la souffrance, et le réduisit à être étendu sur un fumier, couvert d'ulcères et rongé de vers, abreuvé d'amertume et d'angoisse, abandonné de ses amis et même persécuté par eux. C'est alors que le Dieu Tout-Puissant, qui se plaît à relever le pauvre du fumier, psaume 112:7, daigna se communiquer à lui avec abondance et suavité, et lui découvrit les secrets profonds de sa sagesse, ce qu'il n'avait jamais fait au temps de sa prospérité. Il est à propos de signaler ici un autre grand bienfait, qui résulte de cette nuit et de cette sécheresse de l'appétit sensitif, puisque nous en parlons, c'est que pendant la nuit obscure des sens, Dieu, pour justifier la parole du prophète, « Votre lumière se lèvera dans les ténèbres », Isaïe 58:10, éclaire l'âme, en lui donnant d'abord connaissance de sa misère et de sa bassesse, puis en lui découvrant la grandeur et l'excellence de son Créateur, les forces de l'appétit, du goût et des attaches sensibles étant domptées et anéanties, l'intelligence demeure pure et libre pour recevoir la vérité, car les appétits et les désirs sensibles, lors même qu'ils ont pour objet des choses spirituelles, offusquent toujours et embarrassent l'esprit, par conséquent cette angoisse et cette sécheresse des sens illuminent et vivifient l'entendement, comme le dit le même prophète, « L'affliction seule vous donnera l'intelligence de ce qu'on vous dit. » Ibi, 28, 19, ces paroles nous font comprendre comment la tribulation dépouille l'âme et opère le vide en elle, disposition absolument requise pour être soumis à l'influence divine. La divine sagesse instruit surnaturellement l'âme par cette contemplation aride, bien mieux qu'autrefois, au jour de la consolation et de la douceur, Isaïe nous le fait comprendre lorsqu'il s'écrit, « À qui le Seigneur enseignera-t-il sa loi, à qui donnera-t-il l'intelligence de sa parole, à des enfants qu'on ne fait que de sevrer, qu'on vient d'arracher de la même aile, Isaïe, 28, 9, la conclusion à tirer. C'est que la meilleure préparation aux communications divines n'est pas tant ce premier lait de la suavité spirituelle, ni tous ces beaux et savoureux discours des puissances sensitives sur lesquelles on s'appuyait, que la privation de l'un et le détachement des autres, pour écouter le roi des rois avec le respect qui lui est dû, l'âme doit se tenir debout et sans appui du côté des sens et des affections, comme le dit Habacuc en parlant de lui-même, « Je me tiendrai debout, montant la garde, je demeurerai ferme sur les remparts, et je regarderai attentivement pour voir ce que l'on pourra me dire. » Citation 2, 1, « Je me tiendrai debout, c'est-à-dire détaché de mes affections, je demeurerai ferme sur les remparts, en d'autres termes, je ne ferai pas usage de mes sens, ni du raisonnement pour comprendre ce qui me sera dit de la part de Dieu. » On le voit donc, de cette nuit résulte premièrement la connaissance de soi-même, et celle-ci devient la base de la connaissance de Dieu, au dire des philosophes. Un extrême se fait connaître par un autre, c'est pourquoi saint Augustin faisait cette prière, « Seigneur, faites que je me connaisse et que je vous connaisse. » L'autorité de David fait admirablement ressortir la puissance et l'efficacité de cette nuit, pour attirer dans l'âme les lumières et les sublimes connaissances dont Dieu veut la remplir, dans cette terre déserte où je me trouve, et où il n'y a ni chemin, ni eau. Je me suis présenté devant vous comme dans votre sanctuaire, pour contempler votre puissance et votre gloire. Psaume 62, 3. Chose remarquable, le psalmiste ne dit pas ici que les délices spirituels et les nombreuses consolations qu'il avait reçues fussent une disposition et un moyen convenable pour connaître les grandeurs de Dieu, car c'est plutôt la sécheresse et le vide de la partie sensitive, signifiée par la terre séchée déserte. Il ne croit pas non plus que les saintes pensées et les sacrés entretiens, dont il avait joui fréquemment, les conduit à l'intelligence des attributs divins. C'est au contraire l'impossibilité de fixer sa pensée en Dieu, et de faire usage du discours et des considérations que fournit l'imagination, exprimée par la terre sans chemin. En résumé, le moyen par excellence pour arriver à la connaissance de Dieu et de soi-même, c'est la nuit obscure avec ses aridités et ses angoisses. Toutefois, la plénitude de ces deux sciences ne s'acquiert que dans la nuit spirituelle, à laquelle la nuit des sens sert d'introduction. L'âme retire encore un autre profit de ces épreuves, c'est l'humilité spirituelle, vertu opposée au premier péché capital, l'orgueil de l'esprit, l'humilité produite par la connaissance de soi-même. Purifie l'âme de toutes les imperfections où elle tombait à l'heure de sa prospérité, se voyant si stérile et si misérable, il lui est impossible de se laisser aller, même à un premier mouvement de vaine complaisance, et de se croire meilleur que les autres, bien loin de là, et les porter à reconnaître leur supériorité, ici naît l'amour du prochain, l'âme ne se permet plus de le juger comme elle le faisait naguère, quand elle admirait sa propre ferveur et fermait les yeux sur celle d'autrui, frappée maintenant de sa propre misère, elle n'a plus le loisir d'arrêter ses regards sur personne, David, qui avait la science expérimentale de cet état, l'exprime à merveille par ses paroles, « Je me suis tue, je me suis humilié, j'ai gardé le silence pour ne pas même dire de bonnes choses, et ma douleur a été renouvelée. » Psaume 38, 3. Ce qui signifie qu'il se voyait tellement réduit à néant dans son âme, que non seulement il ne pouvait plus se glorifier de ses biens, mais encore, qu'en présence de ceux qu'il découvrait dans les autres, il restait muet et frappé de la douleur de sa propre misère, les spirituels tirent encore de cette nuit l'avantage de devenir obéissants et soumis dans les voies de la perfection, la vue de leur misère leur fait accepter volontiers les enseignements qu'on leur donne, ils sont prêts à recevoir les avis de tout le monde, et les désirent même, aimant à être instruits sur leurs moindres devoirs, leur ancienne présomption disparaît. Enfin ils se dépouillent peu à peu de toutes les imperfections dont nous nous avons parlé en traitant de l'orgueil spirituel. Chapitre 13. Autres avantages qui résultent pour l'âme de la nuit des sens. Naguère les commençants étaient sujets aux imperfections de l'avarice spirituelle, et recherchaient les douceurs célestes. Jamais leur convoitise n'était satisfaite, impatients de jouir, il leur fallait tantôt un exercice, tantôt un autre. Mais actuellement, grâce aux ténèbres de la nuit obscure, leur âme se réforme complètement, là où elle puisait la saveur et le plaisir, elle n'éprouve plus que du dégoût et du trouble, aussi se livre-t-elle, elle a ses pratiques avec tant de réserve et de sobriété, qu'on pourrait peut-être l'accuser de pécher maintenant par défaut, là où auparavant elle aurait plutôt péché par excès, le dessein de Dieu en établissant ainsi les âmes dans l'humilité, est de leur inspirer une grande promptitude à faire le bien, sans toutefois leur enlever leur répugnance à agir, afin que dans l'exécution de ses commandements, elles aient uniquement en vue son bon plaisir, et que, ne trouvant plus de jouissance en rien, elle se désapproprie de toute chose. La sécheresse et le dégoût qu'éprouvent les sens à l'égard des exercices spirituels, ont encore pour résultat de préserver l'âme des souillures que nous avons signalées en parlant de la luxure spirituelle, puisque ces défauts procèdent habituellement d'une jouissance de l'esprit qui rejaillit sur les sens. Quant aux imperfections du quatrième vice, qui est la gourmandise spirituelle, et dont l'âme se délivre dans cette nuit obscure, on en peut voir l'énumération au chapitre 6, elles sont innombrables, mais je n'en parlerai pas ici, désirant mettre fin à ce traité de la nuit des sens pour arriver à la nuit de l'esprit, où nous nous avons une importante doctrine à exposer. Outre les avantages déjà mentionnés, l'âme en recueil d'incalculable en réprimant le vice de la gourmandise spirituelle, pour en donner une idée, il suffit de dire qu'elle est délivrée de toutes ses imperfections, et préservée d'autres maux beaucoup plus considérables que nous passons sous silence, et dont une multitude d'âmes ont été les victimes, la nuit aride et obscure où Dieu place l'âme, met un frein à la concupiscence et aux appétits déréglés. Cet exercice de mortification réforme et règle si parfaitement les sens et les passions, que ces dernières semblent avoir perdu leur force. L'âme devient presque incapable de goûter une jouissance quelconque, et un plaisir sensible dans les choses naturelles ou surnaturelles, grâce à cette sobriété spirituelle, elle fait de merveilleux progrès, et par le moyen du crucifiement de ses mauvaises tendances, elle vit dans la paix et dans la tranquillité de l'esprit, Quand le règne des appétits et de la concupiscence finit, le trouble fait place aux douceurs paisibles des divines consolations. Arrivons maintenant à un second avantage qui consiste en ceci, que l'âme conserve ordinairement le souvenir de Dieu, accompagné d'une sainte appréhension de revenir sur ses pas dans le chemin spirituel. Or, ce précieux avantage n'est pas un des moindres bienfaits de ce temps de sécheresse et de purification, car c'est à ce moment que l'âme se défait des imperfections qu'elle contractait, en se laissant aller au mouvement déréglé de ses affections, qui arrêtait son élan. L'exercice de toutes sortes de vertus est encore un des immenses profits de l'état dont nous parlons. En effet, l'âme y trouve facilement occasion de pratiquer la patience et la longanimité, ayant à supporter avec persévérance le manque de consolation et de goût. Au milieu de ces exercices spirituels, l'amour de Dieu devient son unique mobile. Ce n'est plus par goût et par attrait qu'elle agit, mais par le seul motif de plaire au Seigneur, la vertu de force, aux prises avec les difficultés et les répugnances, se développe en elle, et elle puise de la vigueur dans sa faiblesse même. En un mot, l'âme plongée dans ses ténèbres s'exerce à toutes les vertus cardinales, théologales et morales, et les quatre avantages que nous venons d'énumérer, c'est à dire la jouissance de la paix, le souvenir habituel de Dieu, la pureté et la limpidité du cœur, en sont le résultat. David nous apprend comment lui-même en fit l'expérience dans cette nuit. « Mon âme a refusé toute consolation. Je me suis souvenu de Dieu, et j'y ai trouvé ma joie. Je me suis exercé dans la méditation, et mon esprit est tombé dans la défaillance. » PS 76:3-4. Puis il ajoute plus loin, « Je méditais durant la nuit au fond de mon cœur, et m'entretenant en moi-même, je ai m'exercé à purifier mon esprit, PS 76:7, c'est-à-dire à me détacher de tous mes goûts et de toutes mes affections. Dans la nuit des sens, l'âme se purifie également des imperfections relatives aux trois autres péchés capitaux, l'envie, la colère et la paresse, et elle acquiert les vertus contraires, humiliée et assouplie par les difficultés, les tentations, les tribulations de tout genre par lesquelles Dieu l'exerce. Elle devient plus douce et plus traitable dans ses rapports avec lui, avec elle-même et avec le prochain. Elle ne s'irrite pas, ne se trouble plus de ses propres fautes, ni de celles d'autrui. Elle ne reproche plus à Dieu avec impatience les dégoûts et les lenteurs qu'elle éprouve dans l'œuvre de sa perfection. Au lieu de se laisser aller à l'envie, elle pratique maintenant la charité envers le prochain. Ou si toutefois l'envie existe encore dans son cœur, c'est à l'état de vertu et non plus de vice comme auparavant. Lorsqu'elle ressentait de la peine en voyant les autres lui être préférés et la devancer, présentement elle est convaincue de sa profonde misère, aussi leur décerne-t-elle volontiers la palme, n'ayant plus d'autre envie que celle d'une sainte émulation, qui est une grande vertu. Les langueurs et les faiblesses qu'elle éprouve dans les choses spirituelles ne sont plus défectueuses, parce que ces imperfections, qui procédaient autrefois du désir exagéré des consolations dont elle souhaitait le retour, ne viennent plus aujourd'hui de ce goût imparfait, Dieu l'ayant mise, par cette purification des sens, dans une entière impossibilité à l'égard de toute jouissance. Outre tous ces avantages, l'âme puise encore d'autres grâces innombrables dans cette contemplation aride et obscure, au moment où elle y pense le moins. Dieu, très souvent, lui communique au milieu de ses angoisses et de ses sécheresses une suavité spirituelle, un amour très pur et des connaissances surnaturelles d'une exquise délicatesse. Or, chacun de ses dons est d'un prix infiniment plus grand que toutes les faveurs antérieures, quoique l'âme ne le juge pas ainsi tout d'abord. Ces sortes de communications spirituelles étant de nature très délicate et impossible à saisir par le sens. Enfin, à proportion que l'âme se purifie des affections et des appétits sensitifs, elle arrive à posséder la liberté d'esprit, et elle se voit enrichie des 12 fruits de l'Esprit Saint. Elle échappe alors d'une manière merveilleuse à la tyrannie de ses 3 ennemis, le démon, le monde et la chair. En effet, quand l'âme a étouffé en elle tout instinct et tout attrait des satisfactions sensibles, le démon, le monde et la sensualité demeurent sans armes et sans force contre l'esprit. Donc ces sécheresses sont très favorables au progrès de l'âme, dans la voie du pur amour, puisque son seul but est de plaire à Dieu, et que le plaisir n'est plus le mobile de ses actions. Comme autrefois quand elle ne vivait que de douceur, maintenant plus de présomption, plus de ces contentements secrets, auxquels elle avait coutume peut-être de se laisser aller au temps de la prospérité, craintive et défiante d'elle-même, ne cherchant plus aucune satisfaction dans ses œuvres, elle se tient dans cette sainte et salutaire crainte. Gardienne féconde des vertus, les aridités éteignent les convoitises et font disparaître les saillies de la nature, l'âme est alors tellement détachée de toute jouissance, que si Dieu ne lui envoyait pas de temps en temps le sentiment de la consolation dans ses exercices spirituels, ce serait merveille que ses propres efforts lui procurassent quelque douceur ou quelque plaisir sensible. À l'attrait de la sensualité succède la pensée fréquente de Dieu, et le désir véhément de le servir subsiste seul dans le cœur. Ce qui est une disposition souverainement agréable au divin maître, le sacrifice digne de Dieu est un esprit brisé de douleur. Psaume 50, 18, nous dit le roi prophète. Aussi est-ce pour l'âme un inexprimable bonheur de reconnaître qu'en traversant la nuit obscure, elle s'est purifiée et a pu acquérir tous ses nombreux et si précieux avantages. C'est donc à juste titre qu'elle s'écrit dans son cantique. Ô heureuse fortune, je sortis sans être aperçu. En d'autres termes, je suis sorti des pièges de l'ennemi, de la captivité des passions et des attaches sensibles, sans être aperçu, c'est-à-dire sans que les 3 tyrans de mon âme aient pu s'y opposer, eux qui, nous l'avons dit, pour empêcher l'âme de sortir d'elle-même et d'arriver à la pleine liberté de l'amour, la retiennent enchaînée dans les liens des vains et frivoles plaisirs, la force de 16 ennemis une fois paralysée, ils n'ont plus sur l'âme aucune action. Les 4 passions, la joie, la douleur, l'espérance et la crainte, sont apaisées par une continuelle mortification. L'aiguillon des appétits naturels de la sensualité est émoussé par ses sécheresses habituelles, les sens et les facultés intérieures s'établissent dans une harmonie parfaite, par suite de l'abandon de tous ces raisonnements, dont les actes sont tout un menu peuple qui s'agit dans la partie inférieure, mais ce peuple ne pouvant plus désormais troubler l'âme dans sa liberté spirituelle. Sa maison intérieure reste apaisée et tranquille, comme l'exprime le vers suivant. Chapitre 14. On explique les derniers vers de la première strophe, alors que ma demeure était pacifiée. La partie sensitive jouit maintenant du repos, c'est-à-dire que les passions sont mortifiées, les convoitises étouffées, les affections assoupies et calmées. Grâce à cette bienheureuse nuit de la purification des sens, l'âme est donc sortie. Elle a commencé à pénétrer dans la voie de l'esprit que suivent les âmes en progrès, et qu'on nomme aussi voie illuminative ou voie de contemplation infuse. Dieu de lui-même nourrit l'âme et la sustente, sans qu'elle y coopère d'aucune manière par acte discursif ou autrement. C'est le privilège du petit nombre, avons-nous dit, de traverser la nuit des sens, pour arriver par celle de l'esprit, plus profonde encore que la première, à l'union d'amour avec Dieu. Cela doit ordinairement passer d'abord par les plus pénibles tribulations, et par des tentations, qui se prolongent pendant un temps plus ou moins considérable. Dieu permet souvent à l'ange de Satan, à l'esprit de fornication, de troubler leur sens par de violentes et abominables révoltes, leur esprit par d'horribles pensées, et leur imagination par de très vives représentations. Plus pénibles mille fois que la mort, ils sont assaillis en même temps par l'esprit blasphémateur, toutes leurs pensées sont traversées par d'affreux blasphèmes, suggérés à l'imagination avec tant de violence, que parfois même leur bouche semble les proférer, ce qui est pour eux un indicible tourment. Un autre esprit abominable, qu'ils y appellent l'esprit de vertige, citation 19, 14, s'empare encore d'eux. Il obscurcit leur intelligence et la remplit de mille scrupules, il embarrasse leur jugement de mille perplexités, au point qu'ils ne sauraient trouver de satisfaction en rien, ni s'appuyer sur les conseils et le sentiment de personne. Cette épreuve est une des plus terribles tortures, une des plus grandes horreurs de la nuit des sens, elle ressemble beaucoup aux angoisses de la nuit de l'esprit. Nous l'avons dit au commencement de ce chapitre, Dieu n'envoie ordinairement ces tempêtes et ces troubles de la purification sensitive qu'aux âmes qu'il a dessein de faire pénétrer dans la seconde nuit, il dispose par ses fortes épreuves leur sens et leur faculté à l'union de la divine sagesse, car, si l'âme n'est pas tentée et exercée dans la peine et le travail, ses sens ne pourront être élevés jusque-là. C'est pourquoi l'Ecclésiastique dit que c'est celui qui n'a point été tenté, celui qui n'a point d'expérience connaît peu de choses, Ecclésiaste 34, 9, 10. Jérémie nous donne encore une excellente preuve de cette vérité, « Vous m'avez châtié, et mon malheur m'a instruit », citation 31, 18. Or, le châtiment le plus propre à nous faire acquérir cette souveraine sagesse, est précisément la souffrance intérieure décrite dans ce traité. Elle est, en effet, ce qu'il y a de plus efficace pour purifier les sens de toutes les satisfactions et de toutes les jouissances, auxquelles la faiblesse de la nature est attirée, et pour préparer l'âme, par une véritable humilité, à la suréminente élévation à laquelle Dieu la convie. Quant à la limite du temps fixée à cette pénitence et à ce jeûne spirituel, elle est incertaine, tous ne sont pas soumis aux mêmes épreuves et ne subissent pas les mêmes tentations, ceci dépend entièrement de la volonté du Tout-Puissant, du plus ou moins d'imperfection à déraciner, et aussi du degré d'amour auquel Dieu veut faire parvenir les âmes, donc l'intensité des humiliations et leur durée, seront proportionnées à ces adorables desseins. Les âmes fortes dans la souffrance sont purifiées d'une manière plus intense et plus rapide, les faibles sont retenues très longtemps dans cette nuit, où elles sont soumises à de légères tentations, entremêlées de quelques douceurs sensibles, afin qu'elles ne perdent pas courage et ne retournent point en arrière, aussi ne parviennent-elles que tardivement cette vie à la pureté parfaite, et quelques-unes même ne l'atteignent jamais. Elles ne sont ni tout à fait établies dans cette nuit, ni complètement hors d'elle, bien qu'elles ne soient pas appelées à aller plus loin. Dieu, pour les maintenir dans l'humilité et dans la connaissance d'elles-mêmes, les exerce à certains jours par des sécheresses et des tentations, tout en les encourageant de temps à autre par des consolations, de peur de les voir recourir de nouveau aux joies du monde. Avec d'autres âmes plus languissantes encore, Dieu semble s'absenter, paraître disparaître tour à tour, pour les exciter à son amour, parce que, sans ces alternatives, elles n'apprendraient jamais à le chercher. Quant aux âmes généreuses, réellement appelées à cet heureux et sublime état de l'union d'amour, si rapidement que Dieu les conduise, elle n'en demeure pas moins habituellement un temps assez long au milieu des sécheresses, comme l'expérience peut nous en convaincre. Mais c'est assez parlé de cette première nuit, commençons à traiter de la seconde. Fin du livre premier.